Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 11e épisode de La Mécanique des Ondes, trois quarts d'heure pour parler carrière radiophonique avec ceux qui sont devant et derrière le micro. Je reçois aujourd'hui Laurent Bounot, directeur général des programmes de la radio Skyrock. Bonjour Laurent Bounot. Bonjour Cécile, comment allez-vous? Eh bien écoutez, aujourd'hui ça va et vous? Bah très bien, je vous remercie. Alors, vous êtes actuellement au micro d'une radio associative et j'aimerais bien savoir si ça vous rappelle les souvenirs. Non, j'ai jamais été au micro d'une radio associative. Ça doit être une première pour moi. D'accord. Donc je suis très heureux parce que fréquence protestante, c'est important pour moi puisque je suis protestant. Ah, voilà. D'accord. Donc la première radio associative sur laquelle je viens, bien voilà, ça y est, c'est la radio de la religion dans laquelle j'ai été baptisé. D'accord. Dans laquelle j'ai été baptisé. Vous avez commencé comment alors, du coup, la radio? J'ai commencé la radio il y a longtemps maintenant, en 84, dans une radio parisienne privée qui s'appelait La Voix du Lézard. Et vous êtes arrivé comment là-bas? Je suis arrivé parce que j'ai fait une maquette précédemment dans les studios d'une radio dont j'ai oublié le nom. Et j'ai contacté La Voix du Lézard pour savoir si cette maquette les intéressait. Et heureusement, cette maquette, elle a disparu. Et en fait, j'ai enregistré une nouvelle maquette avec un copain dans les studios de La Voix du Lézard, sur un concept qui s'appelait Le Hit qui vient du froid, qui était une émission de... C'est un hit parade où on découvrait les artistes New Wave de l'époque. C'était les aventures de deux agents secrets. Voilà, donc j'ai commencé ma carrière en tant qu'animateur. C'est ça. Voilà. Et pourquoi animateur? Pourquoi pas? D'abord parce qu'on avait un média nouveau qui venait de se créer. Depuis 1980, la bande FM était libérée par le président François Mitterrand. Donc il y avait un média tout nouveau qui était pour nous, qui était pour notre génération. Et voilà, j'en ai profité. Je dirais comme dans les années 2000, la nouvelle génération a profité d'Internet. C'est la même chose en fait. Et alors, vous aviez quel âge quand vous avez proposé cette maquette? J'avais 19 ans. D'accord. Ouais, j'étais à la fac, à la Sorbonne, à l'époque. Et pourquoi la radio, finalement? Pourquoi cette maquette? Moi, j'adorais la radio, j'adorais la musique, j'adorais la New Wave anglaise. Donc, j'étais habillé tout en noir, comme aujourd'hui. Et j'adorais un groupe qui s'appelait Les Cures, bon, et beaucoup d'autres choses. Et la radio New Wave à Paris, c'était La Voix du Lézard. D'accord. Et vous avez postulé dans d'autres radios Non. Vous vouliez rentrer là? C'est cette radio qu'on écoutait. C'est celle-là que j'écoutais quand j'avais 19 ans. Donc c'est là où je voulais travailler. Vous rentrez à La Voix du Lézard, mais vous continuez vos études en parallèle? Je continue la fac, mais très vite, en fait, je deviens l'assistant du directeur d'antenne à l'époque, qui s'appelait Gérard Belac, qui s'appelle toujours d'ailleurs. Il n'est plus directeur d'antenne de La Voix du Lézard. J'ai essayé de me rendre indispensable dans cette radio. Voilà. En commençant par du micro. En faisant du micro et de l'assistanat. Donc, j'ai travaillé toute la semaine. Je faisais des émissions le week-end essentiellement. Donc, j'ai essayé de me rendre indispensable. Puis voilà. Et puis, en fait, j'ai commencé à toucher mes premières fiches de paye. Et puis, c'est parti. Au départ, je voulais faire... 2 ans de fac et puis le CELSA derrière. Rappelez ce que c'est le CELSA. Le CELSA, c'est l'école de journalisme. Et puis en fait, j'avais pas eu besoin de faire les 2 ans de fac. J'étais dans ma passion, j'étais rémunéré, donc on a continué. Avez tout appris sur le terrain? J'ai appris tout sur le terrain, oui. D'accord. Et ensuite, donc vous devenez assistant de ce directeur d'antenne. Mmh. Et en parallèle, vous continuez le micro. Comment vous évoluez donc à La Voix du Lézard? On était deux quand on a commencé et mon collègue était meilleur que moi au micro. Donc il a fait très vite une tranche de semaines. Et moi, j'ai compris très rapidement que ma vocation n'était pas forcément d'être derrière le micro. enfin devant le micro plutôt, mais d'être plutôt derrière le micro. Donc voilà, je me suis occupé de la musique, j'allais chercher les imports à champs disques, enfin j'alimentais cette radio des nouveautés, et puis je me suis occupé naturellement de la musique. Gérard a quitté Skyrock quand Skyrock a basculé, quand La Voix du Lézard a basculé Skyrock, et puis voilà, c'était parti. Alors justement, vous vous occupiez de la musique, vous vous développiez tout le réseau des disquaires à Paris. Mmh. Vous passiez votre temps dans les disquaires en fait. Je passais mon temps à Champs Disques sur les Champs, là pas très loin d'ici. Je passais mon temps aussi en concert. On allait beaucoup le soir voir tous les concerts. J'ai dû voir 250-300 concerts par an à cette époque-là. On sortait tous les soirs en fait. Mmh. Non, c'était super. C'était une belle période, comme maintenant d'ailleurs. C'est tout le temps une belle période quand on se transforme. Tout est beau. Voilà. Ça dure combien de temps, La Voix du Lézard ? La Voix du Lézard se transforme en Skyrock en 86. Donc presque... Deux ans. Deux ans, ouais. D'accord. Et donc vous, comment vous évoluez jusqu'à cette transformation ? Non, je vous dis, je fais ces deux métiers en parallèle. Je touche mes fiches de paie. J'ai quitté. J'habite plus chez mes parents. J'ai un studio. Voilà, je deviens autonome. J'apprends la vie. Et quand La Voix du Lézard devient Skyrock, par contre, vous reprenez en main la musique. Oui, parce que Gérard quitte Skyrock et là, je deviens responsable des programmes musicaux de Skyrock. D'accord. Puis j'ai été ensuite directeur des programmes. Puis ensuite conseiller stratégique, puis ensuite patron de la recherche, puisqu'on a c'est un pool de recherche qu'on a créé dans les années 90 où on interroge en permanence nos auditeurs pour savoir ce qu'ils pensent de nos programmes, et puis directeur général des programmes en 95 ou 96. Voilà. On y reviendra du coup, mais en parallèle quand même, dans les années 80, vous avez fait un passage à la télé. J'ai fait un passage à la télé, mais pas dans les années 80. Dans la fin des années 80, oui, tout à fait, M6. C'est vrai, c'est juste, Cécile. Et comment vous atterrissez à la télé ? Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la directrice des variétés d'M6, la première directrice des variétés, s'appelle Catherine Régnier. Et Catherine Régnier était l'ancienne directrice de promo de Warner Music, qui s'appelait d'ailleurs Warner Philippaki, je crois, à l'époque. Donc elle arrive en télé, M6 vient de se créer, TV6 s'est arrêté, M6 vient de se créer, et elle a pensé tout de suite à moi, comme elle me connaissait, puisque j'étais son interlocuteur pour Skyrock, et elle a pensé à moi pour la télé, voilà. C'était la grande époque des clips. C'était la grande époque des clips, et en effet la première émission que j'ai animée s'appelait Boulevard des clips. On avait déjà tourné un pilote juste avant pour une autre chaîne avec une jeune fille qui s'appelait Cécile Tesser. Et je me suis dit, moi j'aime bien évoluer en binôme. Je me suis dit, tiens, j'ai rappelé Cécile, je lui ai dit, viens faire Boulevard des clips avec moi. Donc on était co-animateurs tous les deux. Et ensuite, à M6, j'ai fait une émission qui était la première émission réalisée et produite par Gérard Pulicino, qui s'appelait Mediator. Que je co-animais là avec Laurent Boyer. Ouais, tout à fait. Le fameux Laurent Boyer. Le fameux, on le salue. On passe du micro à la télé, ça vous a pas gêné ? Non. Ça vous a tenté ? Bah oui. Non mais c'est super. Vous êtes, vous avez 23, 24 ans, vous faites de la radio, vous gagnez de l'argent avec la radio, on vous propose de la télévision, on vous propose de l'argent pour faire ce beau métier, qui est de parler et de présenter de la musique. Il n'y a rien de mieux dans la vie. Vous étiez complètement dans votre passion. J'étais dans ma passion. Et pourquoi la télé s'arrête ? La télé s'arrête parce qu'en fait, avec Gérard, j'avais des désaccords sur Mediator. J'ai des artistes qui voulaient mettre en avant, qui moi me convenaient pas, donc ça collait pas. J'étais pas assez mûr en fait. Voilà en fait la réalité. Mmh. J'ai pas été assez mûr. Et à l'époque, à M6, une nouvelle génération d'animateurs. Et Gérard s'est rapproché d'un de ceux qui était avec moi au même moment, qui est Nagui. Et ensuite, ils ont fait leur route ensemble avec Taratata, ils ont monté leur boîte. Voilà. Et ça reste d'ailleurs, ça reste un bon copain, Nagui. On revient donc du coup sur Skyrock, puisque donc la télévision s'arrête et effectivement vous partez dans cette espèce donc de pool de recherche. Donc c'est aussi dans la fin des années 80. Ouais. Donc ça, il faut donc expliquer tout votre cheminement en éditorial finalement. Là, vous passez plus ou moins dans cette stratégie éditoriale. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait appel à la fin des années 80, début des années 90, à des consultants américains qui nous ont expliqué une chose, c'est que l'important, c'est ce que vous faites, mais l'important, c'est surtout ce que les gens perçoivent de ce que vous faites. Donc, mettez sans arrêt en place des dispositifs pour comprendre, en fait, ce que pensent les gens. Parce que en fait, on est très très facilement, c'est des métiers qui sont très facilement nombrilistes. Donc, il faut sans arrêt, à un moment donné, comprendre comment les gens vont recevoir ce que vous avez dit. Et donc, on a mis en place, en effet, toute une batterie d'études, de recherches par téléphone, où on fait écouter les morceaux qu'on joue, où on demande d'une manière anonyme l'opinion du public pour savoir, pour tester le pouls en permanence. Parce que les gens qui appellent à la radio sont pas forcément ceux qui écoutent l'émission. C'est qu'une minorité de ceux qui écoutent. Donc il faut toujours essayer de savoir ce que pense la majorité silencieuse. En fait, notre métier, c'est de comprendre la majorité silencieuse. C'est pas beau, ça? Oui, et puis vous faites de la radio, surtout pour des auditeurs, donc effectivement. Et on fait de la radio, surtout pour des auditeurs, Cécile. Alors, il faut me parler de Pierre Bélanger. Vous voulez que je vous parle de Pierre Bélanger? Exactement. Alors, il arrive à quel moment et... Pierre Bélanger était le fondateur de La Voix du Lézard. Il avait créé une radio auparavant qui s'appelait Radio Cité Future. Et donc, je l'ai rencontré quand je suis rentré à La Voix du Lézard. Et vous avez donc continué à travailler avec lui? Vous avez fait confiance? Oui, tout à fait. Vous avez mis en place quand même pas mal de talk shows, évidemment, avec pas mal d'animateurs. Oui, effectivement, on recite Arthur, Coé, etc. Manu Lévy. Manu Lévy. Alors, racontez-nous toutes ces arrivées d'animateurs, de ces têtes d'affiche, enfin, qui sont devenues têtes d'affiche, évidemment, après. Arthur, il s'appelait, enfin son vrai nom c'est Jacques Esbag. Il travaillait à l'époque, je crois, pour, je sais plus, c'est RFM, je crois que c'est RFM, j'en suis pas sûr. Et il voulait travailler sur une radio jeune. Et il a remplacé Malher qui nous avait quitté, je crois, pour RFM. Je me trompe peut-être de la radio où il travaillait. Et donc voilà, je l'avais entendu et je l'ai présenté à Pierre pour qu'on travaille avec lui. En effet. Et il a commencé sur la tranche 9h-12h et on lui a donné la matinale l'année d'après. Voilà. Avec un personnage haut en couleur qui s'appelle Guillaume Fay. Et il faut revenir également sur toute la période qui a marqué ma génération, la période de Maurice. Qui va là, je te prie. Qui va là, je te prie, voilà, ouais, c'était la phrase de Maurice. Qui va là, je te prie, mais c'est Maurice, lui, travaillait sur WeFM. Et bon... J'avais regardé, je surveillais les audiences de WeFM et j'ai remarqué qu'il y avait vraiment un pic d'audience le soir avec son émission. J'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée. En plus, il symbolisait la liberté d'expression qui est chère à Pierre Bélanger. Et donc on a trouvé un accord avec lui et WeFM pour qu'il vienne travailler et animer les soirées sur Skyrock. Il les a animées pendant 2 ans. Et ce que vous disiez sur votre pool de recherche où vous questionniez les auditeurs sur la musique, vous faisiez la même chose sur tous les talk shows, les libres antennes, etc. Non, mais je veux dire, la recherche, c'est comme un rétroviseur dans une voiture. Donc quand vous conduisez, vous regardez quand même devant votre pare-brise et vous regardez la route. Et en sachant que à la radio, il faut tracer sa route. Donc il faut tracer le chemin, donc il faut inventer le chemin. Donc la recherche, c'est simplement là pour vous dire si vous avez pris le bon chemin ou pas. Mais elle intervient a posteriori, pas a priori. Alors ça va être le moment de la première pause musicale. Vous avez choisi quoi, Laurent Boulon? Alors j'ai choisi un titre de soprano qui s'appelle Cosmo, qui est en fait un hymne à la société française d'aujourd'hui. Voilà. D'accord, eh bien on l'écoute. Les quartiers, les blocs, les HLM mis de côté, les résidences, les quartiers. Fais-moi rêver, tous mélangés, unis on est trop beaux. Fais-moi rêver, les bras levés, unis on va très haut. Fais-moi rêver, tous mélangés, unis on est trop beaux. Vous êtes toujours dans la mécanique des ondes avec Laurent Bouneau. Donc on vient d'écouter Soprano avec quel titre, rappelez-moi ? Cosmo. C'était pas mal. Ça vous a plu ? Ouais, c'est sympa, c'est dansant. Non mais surtout c'est important ce qu'il dit. Ouais. On est tous ensemble. Ouais, ouais, ouais, surtout en ce moment. Et surtout voilà. En ce moment. Laurent Bouneau, en 1996, vous décidez de changer le format de la station. Mmh. Cette station devient rap R&B, un petit peu raga, rail également. Ouais. Pourquoi ? Parce que il nous apparaissait qu'il fallait se différencier sur la bande FM, qu'on était passé d'une époque où en fait les radios généralistes, chaque public avait son émission, et les radios FM c'était on prenait une émission, on en faisait une radio. Je veux dire que en fait les radios musicales c'est salut les copains 24 heures sur 24. Et ensuite pour se différencier entre les radios musicales, il était important de faire la segmentation sur la musique. Et donc voilà, et donc on était le premier réseau national à dire voilà, il faut prendre une couleur spécifique qui est le rap, le R&B, parce que c'était là pour moi le courant musical qui était en train d'émerger, qui avait émergé déjà dans les médias dans les années 80, mais qui arrivait à une maturité dans les années 90, notamment sur la scène américaine. Donc voilà. Vous êtes beaucoup inspiré des Américains, finalement. Vous y êtes allé, aux États-Unis, sûr. Aller voir des radios. Oui, bien sûr. Et alors ? Oui, oui, c'est des radios locales. C'est des radios locales. Je ne suis pas fasciné par le paysage américain. Ce qui est important avec les Américains, c'est qu'ils ont une tradition de la FM qui date des années 60. Donc, quand quelqu'un a 25, 30 ans d'expérience, il a des choses à vous apprendre. Moi, je pense que la vie, c'est apprendre. Toujours, tout le temps, en permanence. Et donc quand on commence la radio dans les années 80 en France, qu'on a 19-20 ans, on veut apprendre. Mais je dirais que l'âge ne compte pas. Je veux dire, celui qui a 30 ans ou 40 ans, il a peut-être des convictions, mais il ne sait pas plus que vous. Hein, c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, quand on a un nouveau média ou un nouveau support, on est tous à égalité, les jeunes et les moins jeunes. Et moi, j'ai toujours voulu apprendre. Donc, les Américains nous ont appris, grosso modo, les formats qu'on fait aujourd'hui. Mais lorsqu'on va aux États-Unis, ils ont raté quand même, pour moi, une étape. Mm-hmm. C'est qu'ils n'ont pas été capables de transformer un marché de radio locale, qui sont exclusivement locales, en réseaux nationaux. Alors que nous, on est déjà dans l'étape des réseaux nationaux. D'ailleurs, ça, c'est intéressant. Le rap et le R&B, le plus gros marché mondial pour ces musiques, sont les États-Unis. Mais les radios américaines sont des radios locales qui ont beaucoup moins d'audience que Skyrock peut l'avoir au niveau national. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que Skyrock est le média urbain, et ce qui est la réalité, mm-hmm. le plus puissant au monde. Oui. Aujourd'hui, en termes d'audience, on est le numéro un mondial sur ce segment musical. Voilà. Et alors justement, comment vous plongez dans ce milieu du rap déjà au niveau musical ? Non, mais ça c'est pas très complexe pour moi. Il faut, je dirais, j'ai toujours aimé ce qui pouvait toucher le plus grand nombre. Voilà, j'ai eu ma période identitaire qui était une période new wave, mais très vite j'ai grandi et c'est devenu mon métier. Donc ce qui m'intéresse moi dans un morceau, c'est la capacité qu'il a à pouvoir toucher le plus grand nombre. Et la base de mon métier, c'est à un moment donné de repérer les gens et les morceaux surtout qui vont toucher le plus grand nombre possible de gens. Voilà, c'est ça la base de mon métier. Donc le rap, qui est une révolution d'expression, puisqu'on peut rapper sur toutes les musiques, en termes de beat, c'est obéi aux mêmes règles que tous les autres, je dirais que toutes les musiques en fait, hein. Et donc voilà, j'ai pas eu de problème particulier. J'ai trouvé ça très intéressant d'abord dans vraiment une période 96-2003 parce qu'ils étaient très en avance. Parce que l'écriture dans la pop musique dans les années 80-90, c'était une écriture, l'artiste, je dirais, la petite ou la moyenne bourgeoisie. Ce qui était intéressant avec le rap, c'était qu'on se retrouve avec des artistes qui, eux, venaient, je dirais, des nouveaux quartiers, des nouvelles problématiques. On peut citer IAM. On peut citer Solar d'abord, qui a été le précurseur. On peut en effet citer IAM, on peut citer NTM. Et voilà, ils ont donné, je dirais, le top départ à la création de ce courant qui est aujourd'hui quand même très très puissant en France. D'où le bouquin que j'ai sorti avec Fifto Bossi et Tony Béard, qui s'appelle Le rap est la musique préférée des Français, puisque je me suis inspiré du fait qu'en 2013, sur la semaine de Noël, les numéros 1 et les numéros 2 des ventes, à ce moment particulier, semaine de Noël, c'est la semaine la plus importante pour la consommation du disque en France. Les mois de novembre et décembre, à eux deux, représentent 40% du marché. Cette semaine de Noël avait consacré en tête des ventes Stromae, qui est un ancien rappeur belge qui venait de sortir son album, et Maître Gims. Et c'est là où on voit que cette musique, elle est devenue véritablement populaire. Mais je le vois aussi aujourd'hui, au travers des tournées, cette année avec le succès de Black M. On parlait de Cosmo, de Sopra, c'est pareil, quand on va un peu partout en France, c'est un public aujourd'hui qui va de 7 à 49 ans. Oui, parce que ceux qui écoutaient IAM dans les années 90, ils ont grandi, ce qui est normal. Voilà. Moi, j'ai envie d'avoir votre vision et votre oreille musicale. Le rap des années 90 et le rap de maintenant. Alors, c'est le grand débat, hein, évidemment. Je vais pas faire de polémique ici, mais quand on voit les textes d'IAM et les textes, oui, d'un Maître Gims, les textes évoluent et les thématiques ne sont pas forcément les mêmes. Non, si on devait comparer, on pourrait comparer IAM et Section d'Assaut. Et c'est d'ailleurs pour ça que je les ai invités tous les deux. J'étais coproducteur avec Universal et Stade de France d'un spectacle qui s'appelle Urban Peace, qu'on a fait trois fois au Stade de France, qui réunissait exclusivement la scène française. Donc si on devait faire un parallèle, on ferait un parallèle entre Section d'Assaut et IAM, Cécile. Ok. Alors si on fait ce parallèle-là, IAM, ils ont une vision dans l'écriture, mais qui leur est très personnelle, qui est très journaliste. Quand on parle du plus grand succès du hip-hop français, puisque l'école du micro d'argent, à ce jour, reste le succès le plus important du hip-hop français, c'est en effet une vision très journaliste, une écriture très journaliste, où ils se mettent en retrait, en observateur. Mais c'est une caractéristique propre à IAM. Section d'Assaut est beaucoup plus complexe, je dirais. D'abord, les sujets évoqués sont beaucoup plus personnels, et puis les problématiques sont totalement différentes. Il n'y a pas cette volonté de témoigner. Voilà, eux, ils racontent un peu leur vie, ce qu'ils rencontrent au présent. Donc c'est une direction complètement différente. Il y a moins de recul. Non, c'est pas qu'il y a moins de recul, parce que en fait, il y a autant de succès. Ça correspond simplement aux époques. Je veux dire, IAM avait besoin de témoigner ce qui se passait. Aujourd'hui, la situation que décrivait IAM, d'ailleurs l'album quand on le réécoute, c'est pour ça qu'on les invitait à Urban Peace, c'était très moderne. Je veux dire que les thèmes Nés sous la même étoile, Petit frère, sont des thèmes qui sont aujourd'hui encore d'actualité, qui sont au cœur de l'actualité. Simplement, à un moment donné, quand vous êtes un nouveau groupe, vous devez renouveler. Vous ne pouvez pas refaire un Petit frère 2, ça n'a pas de sens. Bien sûr. Voilà. Ouais. Justement, j'aimerais bien parler d'Urban Peace, parce que donc, la première, c'était en 2002. Ouais. J'y étais. Bravo, Cécile. Alors, on n'était pas les producteurs à l'époque, c'était Karim Akhlil qui était producteur, qui est devenu agent de footballeur depuis, d'ailleurs. Et donc, qui a eu l'idée? C'est lui qui a eu l'idée, il est venu me voir. Il m'a dit, j'ai une idée folle, il n'y a aucun gros producteur, il n'avait aucune expérience dans la production de spectacle, mais mm-hmm. il avait quelqu'un qui avait beaucoup d'argent qui l'aidait par ailleurs. Et il est venu me voir, il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de te lancer dans cette aventure? Et je lui ai dit, oui, ça m'intéresse, c'est un pari fou, faisons-le. C'était la première fois qu'il y avait autant d'artistes sur scène en même temps. Hein. Il y a eu quand même... À vos souhaits. Merci. Kerry James, Joey Starr, Cool Chain 113, la Funky Family évidemment, et donc vous avez réitéré l'expérience en 2008. Oui, tout à fait. En 2008, nous étions coproducteurs avec le Stade de France et Universal. Ouais. Et au niveau de l'auditorat, ça vous a apporté quoi finalement? Quelles ont été les retombées? Non, mais le Stade de France, c'est quelque chose de particulier. D'abord, il faut pas se tromper, le rap et le R&B symbolisent une transformation française quand même, d'une population qui est diverse, multiculturelle, et le rap est quand même le symbole de cette transformation. Donc et le Stade de France, c'est quand même quelque chose de particulier puisque c'est le lieu où la France a battu le Brésil 3-0 en finale en 98, donc c'est pas un lieu au hasard. Donc c'est toujours éminemment symbolique de faire des concerts au Stade de France, surtout pour valoriser une scène française, exclusivement française. Et c'est intéressant parce que on a fait 40 000, il y avait 40 000 personnes, dont Cécile en 2002, et bravo à elle. Nous étions près de 50 000 en 2008 et nous étions 56 000 en 2013. Donc voilà, c'est quelque chose qui symbolise le succès. Donc qu'est-ce qui est important, c'est de montrer à l'ensemble d'un pays que cette culture-là, elle est là, elle existe, elle est française et qu'elle est en pleine vitalité et en pleine croissance. Et en parallèle de ça, d'ailleurs, vos pauses musicales sont issues de ce CD. Vous faites donc des compilations. Oui, je fais des compilations, oui. Et alors, est-ce que ça marche? Est-ce que les jeunes achètent des disques? Ils en achètent moins qu'ils en achetaient. Mais depuis qu'on sort des compilations, on a dû en vendre 5, 6 millions, 6, 7 millions. Donc oui, c'est toujours, y a toujours un lien et les gens achètent toujours, moins maintenant. J'ai cru vraiment, il y a 6-7 ans, qu'ils arrêteraient complètement, puis finalement non, ça continue à plaire. C'est simple en fait, bon voilà, ça te coûte 15 euros, tu tournes le disque, t'as les 20 morceaux que t'entends à la radio, c'est sympa. Mais, voilà. Et puis, le public qui achète des compilations, il a aussi vieilli. C'est un public aussi qui avait l'habitude d'acheter des compiles il y a 15 ans, qui continue de les acheter. Et je voudrais vous parler aussi en parallèle des magazines que vous aviez lancés. Alors on a fait un magazine qui s'appelait Planète Rap Mag. Tout à fait, dont on a fait 38 numéros de mon souvenir, puisque j'étais directeur de rédaction. J'ai beaucoup travaillé sur ce magazine, c'était une expérience presse très amusante. Et là, on a vendu plus d'un million d'exemplaires sur les 38 numéros. Mais sur le 38e, d'abord, les ventes baissaient. En diffusion, on était passé de 50 à 30 000. Le marché publicitaire, qui était surtout l'industrie musicale, investissait moins. Donc on s'est dit, un magazine papier à l'heure d'Internet, est-ce que ça a vraiment du sens? Puis on a préféré arrêter, mais c'était quand même un véritable succès. Ouais, est-ce que ce serait possible de le relancer, même en version Internet? Version Internet, on est sur le site. Oui. Et puis, ça avait du sens à l'époque, parce que moi, je suis un natif. Quand j'ai grandi, il y avait des canards de musique comme Rock'n'Fall, comme Best, où il y avait des véritables témoignages. On n'avait pas accès à l'information comme aujourd'hui, on peut avoir accès à tout grâce à Internet. Voilà, ça a moins de sens aujourd'hui quand même. Et même dans le rap, il y avait Radical, qui était un tout bon magazine. Oui, il y a eu Radical, qui était peut-être un peu trop radical. Mais il y a eu L'Affiche, il y en a eu d'autres, des magazines. Mais il n'y en a aucun qui a vraiment réussi à traverser le temps. C'est très complexe. Je veux dire, il faut, pour moi aujourd'hui, la presse, il faut que la presse soit capable de créer ses propres stars. Je veux dire, ses propres stars journalistes, et qu'ils les mettent en avant, puisque en fait, on n'achète plus la presse pour l'information. L'information là, par Internet, en temps réel. Moi, j'ai connu. Tu parlais tout à l'heure de 84, et 84, il se passait quelque chose à New York. On était au courant 15 jours plus tard. Aujourd'hui, il se passe quelque chose à New York dans la nuit de samedi à dimanche. Rihanna, par surprise, envoie un nouveau single, extrait de son prochain album. Tout le monde est informé la seconde qui suit. Internet a vraiment fait tomber l'ensemble des frontières en termes de connaissances et d'informations. Donc, aujourd'hui, un journal, d'abord, presse, il faut trouver le temps pour le lire. Parce que on me posait la question hier sur la littérature. Alors, si vous deviez décrire, qu'est-ce que vous pensez des livres, qu'est-ce que vous inspire un livre, qu'est-ce que vous inspire un livre, puisque vous avez écrit un livre. Mm-hmm. Et moi, j'ai dit le livre, ça m'inspire le bateau, le soleil, la détente, la réflexion et l'émotion. Parce qu'en fait, je ne lis des bouquins que quand je suis sur un bateau, parce que j'ai le temps et je suis tranquille et je peux à un moment donné me plonger complètement dans le bouquin. Dans l'année, c'est beaucoup plus complexe. On est complètement axé sur notre mobile. Donc, je dirais que l'objet du futur, du présent et du futur qui va se renforcer, c'est le mobile. Donc, on est complètement abreuvé d'informations sur son mobile et on a très peu de temps. Même la presse, je consulte les informations sur les sites de la presse, mais j'achète beaucoup moins la presse que je l'achetais, parce qu'il faut du temps. Ouais. C'est la presse, ça nécessite un budget en premier. Ce qui est la force de la radio, la force de la radio, c'est qu'on peut faire autre chose en écoutant la radio. Je peux regarder cette affiche, faire un clin d'œil à votre réalisateur. On peut faire autre chose. En écoutant la radio. Alors que la presse, comme la télé, sont des médias de budget en premier. C'est-à-dire qu'on est obligé d'être concentré. Donc il faut trouver. Or aujourd'hui, on est complètement harcelé, même professionnellement. Je veux dire qu'on travaille 24 heures sur 24. Bon, moi, c'est un métier que j'adore faire parce que c'est le métier qu'on commence à exercer au moment où on se réveille. À partir du moment où vous avez un radio réveil, que la radio commence, que vous dirigez les programmes, vous commencez, vous travaillez. À l'instant même où vous réveillez. Puisque vous écoutez la radio et donc vous émettez un avis, vous avez une opinion. Donc mais il faut du temps pour tout. Or on est extrêmement happé sans arrêt en permanence à n'importe quel moment. Je veux dire que les horaires étaient définis par le passé. Aujourd'hui, on peut plus parler d'horaire. On travaille à n'importe quel moment. Je vous parlais de Rihanna. Le titre est arrivé samedi soir. Il a fallu tout organiser dimanche. Comment on le fait? L'opération qu'on met sur l'antenne pour le diffuser toutes les heures. Le relais sur les réseaux sociaux. Faire le visuel. Que tout soit fait pour qu'à un moment donné, on puisse créer un événement sur l'antenne de Skyrock pour son arrivée. Alors qu'on n'était pas au courant. On savait qu'elle allait sortir un titre, mais on ne savait pas à quelle heure et à quel moment. Bon, voilà. Donc, le boulot, le travail qu'on fait a complètement changé. Les informations arrivent de partout. Voilà, au niveau de l'information, de la communication, on a vraiment le sentiment aujourd'hui, on comprend que nous sommes 7 milliards sur cette planète. Et la France apparaît, petit par rapport à l'ensemble de toutes ces informations qu'on reçoit. Depuis je garde le sourire. Depuis je garde le sourire. Tout ce monde qui s'est déplacé pour moi. Oui je l'ai voulu mais chaque fois je me demande pourquoi. Ma scène est un cirque, j'en ai fait ma maison. Où tout le monde fait comme chez soi car tout le monde connaît mes sons. Cœur malade court après la guérison. Mon public ne peut pas me comprendre, je suis dans l'autodérision. Ce soir j'ai rempli l'une des plus belles salles de Paris. Mais ce soir j'ai perdu un frère, un grand proche dans ma vie. Mais pas le choix, les gens en face attendent beaucoup de moi. Si je baisse les bras, quoi qu'il se passe, je ne peux m'en prendre qu'à moi. Depuis je garde le sourire, je me vois la face. Et ton regard fait que j'envie ta place. Depuis je garde le sourire, je prends sur moi. Ce maquillage fait que tu ne me vois pas. Je suis un clown, je souris. Je suis un clown, je souris, je garde le sourire, je garde le sourire, je garde le sourire. Je me suis battu fait des années pour arriver où je suis. Dans l'entreprise, personne au-dessus de moi dans la hiérarchie. Yeah. Je suis un homme accompli. Je suis censé être heureux, moi-même j'ai pas compris. Scotché sur ma chaise suite au dernier coup de fil. Le médecin me fait comprendre qu'à chaque réunion je perds un bout de vie. Dans mon domaine, je suis le meilleur d'après la rumeur. Mais d'après elle aussi, je suis atteint d'une grosse tumeur. Mais pas le choix, les gens en face attendent beaucoup de moi. Si je baisse les bras, quoi qu'il se passe, je ne peux m'en prendre qu'à moi. Depuis je garde le sourire. Et oui, je garde le sourire sur Fréquence Protestante, dans la mécanique des ondes de Laurent Bounot. On écoutait quoi ? Black M. Black M qui a vendu près de 500 000 albums aujourd'hui, à ce jour. Voilà, qui a suivi cette saga extraordinaire, commencée avec le succès de l'album de Section d'Assaut en 2012, qui était la troisième meilleure vente de l'année. Qui s'est poursuivi avec Maître Gims, qui a vendu plus d'un million d'albums et qui a été la deuxième vente en 2013. Et voilà, et Black M est, je crois, la cinquième vente cette année, tout support confondu, d'albums en France. À noter aussi la très belle performance d'Indila, qu'on a connue avec Youssoupha, et le fameux morceau Dreaming, qu'on avait déjà connu auparavant sur Skyrock avec le morceau de Soprano qu'on a écouté tout à l'heure, Hero. Et qui vient de la scène urbaine et qui elle aussi a vendu près d'un million d'albums cette année. La mécanique des ondes. L'invité précédent pose une question à l'invité d'aujourd'hui. Bonjour Laurent, moi je voudrais savoir si tu pensais que le format de Skyrock avait une durée de vie limitée dans le temps. Alors c'est Mourad Mokadem, qui est donc le réalisateur de Manu dans le 6-9, qui vous pose une question. Ben merci Mourad, c'est une question qu'on me pose maintenant depuis 16 ans. Donc, je ne sais pas, il faut écouter. Advienne que pourra. Alors, on passe au questionnaire rapide. Laurent Bounot, j'ai envie de savoir, quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence ? L'enfance et l'adolescence, c'est la radio qu'écoutaient mes parents, c'était Europe 1. Quelle radio vous réveille le matin ? Skyrock. Quelle radio vous endort le soir ? Skyrock. Alors avec Difool, les deux. Mais tout à fait. Faudra en parler, ça mériterait une émission entière en fait. Tout à fait, il mériterait une journée entière. Oui c'est ça, mais enfin il fait déjà le matin et le soir. Mais voilà. C'est un peu compliqué. Un marathon. Tout à fait, c'est David et son équipe, Romano et Cédric qui nous réveillent le matin sur Skyrock. Avec Stéphanie Bourdet et Carole, et puis c'est Difool, Cédric et Romano, ainsi que Samy, Momo et Marie, qui nous endorment le soir. Il a commencé en quelle année, rappelez-nous ? Difool, faut lui demander, je crois qu'il a commencé, il avait 14 ans, donc il a dû commencer dans les années 80, au même moment que moi. Et sur Skyrock ? Non, il est de Saint-Etienne, je crois qu'il a fait une radio locale à Saint-Etienne et ensuite il a travaillé à Fun Radio. Et alors du coup, à Skyrock, il a commencé en quelle année ? En quelle année il a commencé à Skyrock ? Je pense que ça doit être 96, 97. Et pour l'instant, ça va, il continue. Faut lui poser la question, mais je crois que tout va bien. Ouais. J'ai envie qu'il vienne. Hein. Je sais, mais c'est très compliqué. Alors pour le coup, parce qu'on parlait tout à l'heure de la presse et du temps disponible pour lire la presse. Lui, c'est la même chose parce que c'est absolument invraisemblable ce qu'il réalise depuis près de 16 ans. En conjointement réalisant, enfin, et animant le matin et le soir. Surtout à deux horaires qui sont diamétralement opposés. Avec deux publics complètement différents. Avec des publics complètement différents. La prime time de la radio, c'est le matin. C'est un public très large. Et un public beaucoup plus générationnel et beaucoup plus jeune le soir. Un endroit, Laurent Bounot, où vous écoutez toujours la radio ? La voiture. Et un endroit où vous ne l'écoutez jamais ? Dans ma salle de bain. Votre meilleur souvenir de radio, s'il n'y en avait qu'un à donner ? Oh, non, impossible de définir en 30 ans. Il y en a tellement que impossible de hiérarchiser. Là. Trop compliqué, il faut me poser la question avant, Cécile. Il faut que je réfléchisse avant. Le pire souvenir ? Hein ? Le pire ? Aucun. Il n'y a eu que des bons souvenirs. Et un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio ? Il n'a pas besoin de conseils. C'est fondamentalement, je pense que les gens tracent leur route. Tous les gens que j'ai rencontrés. Donc, soit on a des conseils, ce qu'on parlait tout à l'heure des radios américaines, soit on a des conseils précis et des questions précises. Comment faire et là, oui. Mais un conseil général, non. Je veux dire, les conseils généraux, il n'y a pas. C'est-à-dire que tu as envie ou pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose, voilà, celui qui n'aime pas ça. On va souvent poser la question, le rap, alors est-ce que vous aimez ça? Bon, le fait est que j'ai écrit un bouquin de 400 pages pour dire à tous que si je n'aimais pas ça, ça serait compliqué. Mais fondamentalement, ce n'est pas possible. Il y a une telle demande des gens, et le rôle que vous avez est tellement important. Vous décidez quand même sur un mass média de ceux qui vont être diffusés et ceux qui ne le seront pas. Il y a une telle pression que si vous n'êtes pas, vous n'incarnez pas ça viscéralement, c'est mort. C'est pareil pour la radio. C'est-à-dire que quelqu'un, à un moment donné, qui n'aime pas viscéralement parler de Difool tout à l'heure, mais qui s'il n'aimait pas viscéralement la radio, mais c'est, ce serait une souffrance terrible. Il n'a pas de soirée, il n'a pas de vie sociale le soir, il peut pas aller au restaurant ou voir un film, tout ça. Et le matin, il commence, il dort une heure, deux heures dans la nuit, il fait une sieste dans la nuit et il va animer son émission à 6 heures. Si on n'aime pas ça viscéralement. Donc il n'y a pas de... je veux dire, ça c'est un peu... excusez-moi, Cécile, c'est une question un peu bateau parce que il n'y a pas de conseil. On est ou on n'est pas. Je veux dire, c'est comme les artistes. C'est la même chose. Alors, ils ont besoin de grandir, ils ont besoin de se transformer, ils ont besoin, à un moment donné, d'avoir des feedbacks, mais ils incarnent ou ils n'incarnent pas. C'est des métiers où le mensonge est impossible. Parce qu'il y a une telle compétition, il y a une telle... on fait quand même les plus beaux, parmi les plus beaux métiers du monde. Donc, il y a une telle compétition entre les gens qu'à un moment donné, celui qui ne l'incarne pas, il ne peut pas le faire. C'est une belle conclusion de cette mécanique des ondes avec Laurent Bouno. Mécanique. Ouais, c'est marrant, la mécanique. C'est rigolo comme nom. Ouais. La mécanique. C'était plutôt très technique. Ouais. Mais bon, il y a tous les rouages de votre carrière qui sont mis en place, finalement. D'accord, oui, très bien. Alors, Skyrock, on l'écoute sur le 96 FM. À Paris. Ah, je le connais par cœur depuis les années. Ah, ça me rappelle mon adolescence. Ah, Cécile, mais vous êtes toujours adolescente, donc vous écoutez toujours Skyrock. C'est gentil. Et puis, n'oubliez pas de l'écouter aussi sur l'application. Oui, ah. Et puis, mais alors par contre, Skyrock, vous pouvez l'écouter, sauf entre midi et 14h30, vous basculez bien sûr sur le 100.7 pour nous écouter sur Fréquence Protestante. On a le droit. Oui, on a le droit d'écouter Fréquence Protestante. On a le droit d'écouter toute la bande FM. Bien sûr. Je vous le rappelle. Merci beaucoup, Laurent Bouno. Mais c'est moi qui vous remercie, Cécile.